Don Bosco, Douiman. Merci d'être avec nous dans ce journal dont voici le sommaire. Les retraités burundais attendent toujours la mise en application effective de la loi leur permettant de percevoir des frais de pension équivalents au dernier salaire mensuel avant d'entrer en pension. Dans ce journal, on revient sur les dispositions pertinentes de ce texte. Alors que l'on envisage suspendre pour 3 mois les activités de pêche dans le lac Tanganyika, et cela à partir du mois de mai prochain, les pêcheurs exerçant sur le port de pêche de Kajaga affirment n'en avoir pas été informés. Et des habitants de la commune Rugomo de la province Cibitoke réclament des terres pour avoir perdu environ 10 hectares déjà partis dans l'effondrement des rives de la rivière Rusizi entre la 11e et la 12e transversale. Captez Isanganiro, écoutez la différence. Le développement de ces titres à présent, cela fait un peu plus d'une année qu'il a été mis en place une loi permettant aux personnes retraitées de percevoir des frais de pension équivalents au dernier salaire mensuel avant d'entrer en pension. La dite loi a été promulguée le 14 mars 2022 avec rétroactivité comptée à partir de janvier 2020 en faveur des retraités. Ces derniers attendent toujours sa mise en application effective. Léonce Vitaliho revient sur certaines des dispositions de cette loi. C'est à l'article 14, la dernière disposition de cette loi, qu'il est stipulé qu'elle entre en vigueur le jour de sa promulgation avec effet rétroactif en faveur de ceux qui ont été mis à la retraite à partir du 1er janvier 2020. La dite loi a pour objet, selon l'article 1er, de modifier les seuls articles 75, 82, 83 et 84 de la loi du 12 mai 2020 portant code de la protection sociale au Burundi en ce qui concerne le régime des pensions des fonctionnaires, des magistrats, des mandataires politiques ou publics, des agents de l'ordre judiciaire, des cadres ou des agents du secteur public ainsi que des membres des corps de défense et de sécurité en vue de la revalorisation de leurs pensions de retraite. Un assuré peut demander la retraite anticipée pour convenance personnelle 5 ans avant l'âge de la retraite. C'est à l'article 3 qu'il est précisé que la mise à la retraite anticipée pour convenance personnelle donne droit à la prestation de pension anticipée dont le montant est calculé tel que prévu à l'alinéa 1 de l'article 6. Et selon l'article 6, le montant mensuel de la pension de vieillesse, d'invalidité ou de la pension anticipée d'un fonctionnaire, des magistrats, des mandataires politiques ou publics, d'un cadre ou d'un agent du secteur public, d'un agent de l'ordre judiciaire ou d'un membre des corps de défense et de sécurité est calculé de telle manière qu'il est égal au dernier salaire net du mois précédent, celui de sa mise à la retraite pour limite d'âge, celui du constat de l'invalidité ou celui de la mise à la retraite anticipée. Les dispositions de l'alinéa 1 du présent article ne s'appliquent pas au calcul du montant de la pension de certains membres des corps de défense et de sécurité qui bénéficient déjà d'une base de calcul leur octroyant une pension des montants mensuels supérieurs au dernier salaire net. Les retraités concernés par cette loi n'ont pas encore perçu leurs frais jusqu'ici. Léonce Vitaliho. Environ 10 hectares sont déjà partis dans l'effondrement des rives de la rivière Rusizi entre la 11e et la 12e transversale en commune Rugomo de la province de Cibitoke, selon les propriétaires de terres de la localité. Ils affirment qu'ils ont déjà perdu beaucoup, notamment les cultures, et demandent que leur soient accordées d'autres terres cultivables pour qu'ils ne meurent pas de faim. La direction provinciale en charge de l'environnement à Cibitoke, tout comme le gouverneur, affirme que la question a été rapportée aux autorités compétentes et qu'ils sont en attente de réponses. En reportage, Darmer Mutore, de retour de Cibitoke. Des parcelles et des champs de culture en nombre élevé ont déjà été emportés par le ravin se trouvant le long de la rivière Rusizi. C'est en commune Rugombo de la province Cibitoke. Les propriétaires de terres rencontrés sur place disent que le ravin en question a commencé petit à petit jusqu'à devenir très large, emportant plus de 10 hectares de terre et plusieurs de leurs champs y ont été engloutis. Selon ces personnes, si rien n'est fait dans les meilleurs délais, toute la localité pourrait disparaître et la route nationale numéro 5, reliant Bujumbura et Rugombo, pourrait subir également les dégâts. Ils demandent d'être indemnisés pour ceux qui ont perdu des terres en leur octroyant d'autres parcelles cultivables pour éviter de mourir de faim. Ils appellent aussi le gouvernement à envoyer des experts environnementalistes pour étudier ce phénomène et proposer proposer des solutions. Le gouverneur de la province Cibitoke dit que la question a déjà été soumise aux autorités compétentes, notamment la plateforme nationale de prévention des risques et de gestion des catastrophes, et qu'ils attendent une réponse de sa part. Le bureau provincial en charge de l'environnement, quant à lui, dit mener des sensibilisations auprès de la population pour la plantation des arbres et des herbes anti-érosifs sur les berges de la rivière Roussizi, en attendant l'intervention des autorités compétentes. Armer Moutore, certains pêcheurs exerçant au port de pêche de Kajagal au long du lac Tanganyika affirment n'avoir pas été informés de la mesure visant la suspension des activités de pêche sur ce lac pendant une période de 3 mois. Ils réclament des éclaircissements là-dessus et demandent au gouvernement de la revoir. Anissé Niyomukiza, stagiaire à notre station. Ces pêcheurs disent qu'ils n'ont pas eu des informations en rapport avec la fermeture du lac Tanganyika. Ils ajoutent également qu'ils vont travailler dans une perte, car c'est où ils trouvent de quoi satisfaire les familles. Nous avons mal accueilli. Cette mesure est pour nous les personnes âgées. Nous trouvons des poissons et ces pêcheurs faisaient beaucoup de travail pour faire vivre les gens. Déjà, de Gatumba, Malanvia vivait de ce lac. On ne peut pas refuser la décision du gouvernement, mais c'est une perte pour nous car nos familles vont mourir de faim et les autres n'auront plus du travail. Il demande au gouvernement de venir pour leur expliquer l'avantage de cette mesure. Nous demandons au gouvernement de prendre une décision et de nous approcher pour nous expliquer l'avantage de cette mesure. Cette fermeture du lac Tanganyika est prévue dès le 15 mai jusqu'au 15 août 2023. En actualité africaine, au Sénégal, le procès en appel d'Ousmane Sonko pour diffamation contre le ministre du Tourisme Mbaye Niang a été renvoyé au 8 mai. En première instance, le 30 mars dernier, l'opposant avait été condamné à 2 mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts. Une peine qui ne remet pas en cause son éligibilité pour la présidentielle prévue en février 2024. Mais le parquet, la partie civile, avait interjeté appel. Le renvoi a été annoncé après une audience express au lundi matin en présence de Mame Mbaye Niang. Mais Ousmane Sonko, lui, était absent. Nos confrères de RFI rappellent qu'Ousmane Sonko ne s'est pas exprimé depuis son procès du 30 mars, mais qu'il a participé ce 16 avril au lancement du mouvement des forces vives au Sénégal. Au lancement du mouvement des forces vives du Sénégal F24, une plateforme qui regroupe plus d'une centaine de partis politiques et de la société civile contre une éventuelle candidature du président Macky Sall à un troisième mandat en 2024. Les affrontements entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide ont déjà tué au moins une centaine de civils. Les combats ont gagné en intensité ce lundi à Khartoum. Au troisième jour de combat entre l'armée et une puissante force paramilitaire dirigée par 2 généraux rivaux qui se disputent le pouvoir. En octobre 2021, Abdel Fattah al-Burhan, le patron de l'armée, et Mohamed Hamdan Daglo, dit Hemedi, le responsable des paramilitaires, orchestraient ensemble un coup de force contre la transition post-Omar el-Béchir. Le Conseil de sécurité doit se réunir ce lundi afin de proposer une issue à la crise. Le Conseil de sécurité devait se réunir ce lundi afin de proposer une issue à la crise. Après la Ligue arabe et l'Union africaine, les États-Unis et le Royaume-Uni ont appelé lundi à la cessation immédiate des violences. Place maintenant à la chronique sport. Radio Isanganiro, chronique sport. Les athlètes classés premiers dans les compétitions organisées au niveau provincial et régional sont ceux qui participent au championnat national d'athlétisme. Le président de la Fédération burundaise d'athlétisme fait savoir que les 3 premiers athlètes de ce championnat national sont primés. Ambassadeur Dieudonné Kwizera ajoute que pour participer aux compétitions internationales, les athlètes doivent valider les minima exigés par la Fédération internationale d'athlétisme. Jean-Marie Vianenge Nakumana. Les compétitions d'athlétisme commencent au niveau provincial où les équipes premières s'affrontent dans d'autres compétitions organisées dans quatre régions du Burundi. Les meilleurs athlètes au niveau régional représentent les provinces respectives dans le championnat national d'athlétisme. Propos d'ambassadeur Dieudonné Kwizera alias Muvuduka, président de la Fédération burundaise d'athlétisme. Tout d'abord, les compétitions commencent au niveau provincial et puis après les provinces. Vous savez que la Fédération d'athlétisme est subdivisée en quatre régions, région sud, région nord, région ouest et région est. Après les compétitions interprovinciales, il y a des compétitions interrégionales et une compétition nationale. Alors, la plupart des athlètes qui participent dans un championnat national, ça veut dire qu'ils ont été les meilleurs au niveau de leur province et au niveau de leur région. Et ceux qui gagnent une compétition nationale devient champion national de l'année X. C'est comme ça que les compétitions s'organisent jusqu'au niveau national. Pour chaque discipline, seuls trois athlètes sont primés, ajoutait-il. Les athlètes qui sont classés premiers sont appelés champions ou championnes de l'athlétisme année X. Et puis, il y a des prix qui sont prévus pour le premier, le deuxième et le troisième dans chaque discipline. Le président de la Fédération burundaise d'athlétisme fait savoir que les athlètes qui représentent le Burundi dans les compétitions internationales doivent avoir les minima exigés par la Fédération internationale d'athlétisme. Pour la représentativité du pays, tu peux être champion ou championne nationale, mais sans avoir les minima exigés pour représenter le Burundi au championnat du monde, championnat d'Afrique ou alors aux Jeux Olympiques. Pour représenter le Burundi au niveau international, il y a des minima qui sont exigés. Il faut avoir les minima pour pouvoir participer au championnat du monde, d'abord, au préalablement. Aussi, il faut des minima pour participer aux Jeux Olympiques. Parce que sinon, si chaque champion ou championne nationale est autorisé à aller concourir aux Jeux Olympiques, au championnat du monde, il y aura tellement d'athlètes. Si vous comptez 200 pays dans le monde et vous comptez 3 athlètes dans chaque discipline, ça sera des millions, peut-être d'athlètes qui vont être sélectionnés compte tenu du nombre de disciplines. Dans la prochaine chronique sportive, ambassadeur Dieudonné Kwizera alias Muvuduka nous parlera des défis auxquels font face la Fédération burundaise d'athlétisme et les recommandations qui peuvent contribuer à la bonne organisation du championnat national d'athlétisme. Avant de refermer ce journal, je vous en rappelle les grandes articulations. Les retraités burundais attendent toujours la mise en application effective de la loi leur permettant de percevoir des frais de pension équivalents au dernier salaire mensuel avant d'entrer en pension. Alors que l'on envisage de suspendre pour 3 mois les activités de pêche dans le lac Tanganyika et cela à partir du mois de mai prochain, les pêcheurs exerçant sur le port de pêche de Kajaga affirment n'en avoir pas été informés. Et des habitants de la commune Rugombo de la province Cibitoke réclament des terres pour avoir perdu environ 10 hectares déjà partis dans l'effondrement des rives de la rivière Rusizi entre la 11e et la 12e transversale. Ainsi se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Actualité régionale. Débutons cette actualité régionale par le journal Soudan Tribune qui revient sur le coup de force entre 2 généraux soudanais. Selon ce journal, les présidents sud-soudanais, Salva Kiir et Kenyan William Ruto, et le président djiboutien ont été mandatés ce dimanche pour être médiateurs de paix au Soudan. Ceci sort d'une réunion de ce dimanche qui a également vu la participation des présidents ougandais et somaliens. En République démocratique du Congo, le journal Actualité.cd fait savoir que le chef de bureau de la MONUSCO en Ituri, Karna Soro, appelle les jeunes à prendre conscience. Invité de Radio Okapi, il a précisé que la MONUSCO travaille sans relâche au quotidien aux côtés des FRDC et du gouvernement congolais pour restaurer la paix en Ituri, où les miliciens de la Codeco viennent de massacrer 44 personnes dans le secteur de Banyalikilo, en territoire de Djougou. Ils demandent ainsi à la population de Ituri de ne pas céder aux manipulations de certains acteurs politiques qui ont lancé un appel à manifester ce lundi contre la mission onusienne à Bunia. Actualité régionale. En Ouganda, le journal The Monitor parle de 83 agents de santé impliqués dans la prise en charge des patients d'Ebola lors de la récente épidémie qui ont déclaré qu'ils n'avaient pas reçu leur salaire et leurs indemnités à hauteur de près de 2 milliards de shillings. Dans une lettre adressée au secrétaire permanent du ministère de la Santé ougandais, ils exigent au gouvernement de les payer dans 2 semaines. Et au Kenya, le journal Nations écrit que l'aéroport Jomo Kenyatta est momentanément fermé au vol suite à un oiseau qui s'est glissé au moment du vol de Singapore Airlines, causant une panne technique alors que cet avion allait se diriger vers Amsterdam. Un tel incident de février l'année passée a fait que les vols soient orientés vers Mombasa et Dar es Salaam. En Tanzanie, le journal Tanzania fait savoir que sur les 2 ans de présidence de Samia Suluhu Hassan, l'économie tanzanienne est en plein essor, citant le Fonds monétaire international FMI. Selon ce journal, le PIB est passé de près de 70 milliards de dollars en 2021 et espère que d'ici 2028, le PIB sera de plus de 136 milliards de dollars américains. Actualité régionale.